Chevalier à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com, le salon de la passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Composé du guitariste Tuck and Dress et de la chanteuse Patty Cathcart, le légendaire duo Tuck and Patty sera de passage au Théâtre Petit Champlain le 5 juin prochain. Depuis 36 ans, cet éclectique duo voix-guitare s'est formé une réputation exceptionnelle autant auprès des amateurs de jazz qu'auprès des amateurs de musique en général. Tuck and Patty au Théâtre Petit Champlain le 5 juin. 88-692-2631 ou théâtrepetitchamplain.com. Bonjour à tous et bienvenue au Grain de sable, votre magazine socio-économique dans lequel on parle de ce qui se passe ici et ailleurs. C'est une émission réalisée par le collectif Radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne ATTAC Québec. Alors, plus tard en émission, on aura Jean, le président d'ATTAC Québec, pour nous parler des activités à venir pour l'organisme. Mais d'abord, je pensais conclure la saison, parce qu'aujourd'hui, c'est la finale de saison de notre émission. Conclure la saison par une conversation sur l'état des forces politiques à Québec, au Québec, et le rôle que ATTAC Québec pourrait jouer dans l'avenir proche. Alors, avec moi, j'ai d'autres représentants d'ATTAC Québec dans la ville capitale nationale. J'ai Dominique Bernier, militante écologiste, membre du CA d'ATTAC Québec, qui travaille du côté de la Coalition pour que le Québec ait une meilleure mine. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi un membre d'ATTAC Québec, Claude Guérin, avec nous. Merci. Bonjour. Alors, merci à vous deux d'être là. Je vais d'abord fixer le débat. Moi, si je résume la saison que j'ai faite ici à la radio, j'ai pu interagir avec plein d'intervenants, que ce soit en économie, en écologie, et vraiment, ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a un besoin de se coaliser, un besoin de coaliser toutes ces forces-là qui ont leurs propres expertises, qui travaillent chacun de leur côté, qui travaillent bien. Mais la question, c'est comment s'unir, comment faire une espèce de front commun? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ce besoin-là. Ben oui, je pense qu'il y a un clair besoin et c'est d'autant plus difficile de le faire actuellement qu'il y a tellement de choses qui se passent dans la conjoncture actuelle que tout le monde est un peu pris, chacun dans ses dossiers. Ouais. Ça nous déboule dessus, jour après jour. Moi, je le vois dans le secteur minier, d'autres, ça va être dans le secteur de la lutte à la pauvreté, etc. Il y a plein de politiques qui sont mises en place de façon accélérée. Et ça gruge. Puis en plus, le financement des différentes organisations est en chute libre avec les coupures tout azimut. Donc, ça devient très difficile de fédérer et c'est peut-être un rôle que ATTAC Québec serait appelé à jouer et pourrait jouer. Oui, je crois qu'on va faire une pause musicale et après, on parlera des moyens concrets pour y parvenir. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Toutes unies à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Une fois épuisé, la place sera cédée à un autre plus fort. Et le chef volatile prend la queue de la file, fier de tous ses efforts. On est de retour au Grain de sable avec notre conversation sur les forces sociales et les forces politiques au Québec qui s'opposent à l'austérité qu'on connaît ces jours-ci, hein, ces temps-ci. Alors, j'aimerais savoir votre avis, Claude ou Dominique. Quel genre de projet permettrait à toutes les mouvances qui sont contre l'austérité, quel genre de projet pourrait leur permettre de se réunir, de fournir une proposition d'être pour quelque chose plutôt que simplement contre Couillard ou contre une certaine pensée austéritaire? Bien, si tu le permets, Étienne, écoute, moi, comme observateur de la scène politique et sociale au Québec depuis plusieurs années déjà, on est très divisé hein, dans nos choix. On est très divisé et puis on s'éparpille. Ce qui ressort de mon observation, c'est que chacun veut beaucoup dans son créneau, mais on n'a pas de sentiment de communauté participative. Donc, et quand je me suis impliqué dans Attaque Québec, j'ai beaucoup aimé le volet Action citoyenne qui se veut une sensibilisation, une information et une sollicitation pour faire en sorte que les individus sortent de leur milieu, se parlent entre eux et créent une espèce de regroupement. Et pour moi, la façon d'y arriver, je pense beaucoup aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. Je ne sais pas si créer un blog, je ne sais pas si c'est réaliste, je ne suis pas un expert de la techno. Mais si on prend exemple sur ce qui s'est passé dans les dernières années en politique, parce que je suis la scène politique, on peut dire que la campagne Obama s'est basée sur les réseaux sociaux et finalement, c'est ça qui lui a permis d'arracher la victoire. Donc, est-ce que c'est possible de faire du regroupement en se servant, en mettant l'action, mettant nos énergies avec les réseaux sociaux, les moyens technologiques? Je lance l'idée comme ça, là. Je pense que c'est une idée intéressante et pour ça, d'après moi, tu t'en as parlé un peu, Étienne, il faut avoir des propositions concrètes à mettre de l'avant. Il faut montrer d'une manière positive que, en fait, on ne fait pas que s'opposer, mais on propose une autre façon de vivre en société. Et ça, Attaque le fait bien, a une réflexion quand même déjà étoffée là-dessus, et ça, une réflexion qui est en perpétuel mouvement et qui est toujours de plus en plus alimentée par les travaux de différentes organisations. Je pense entre autres, en fait, aux alternatives fiscales qui peuvent être mises de l'avant pour remplacer les politiques d'austérité qui, on le sait, ne fonctionnent pas, ne font qu'appauvrir toujours davantage la population et nuisent à l'économie même traditionnelle. Donc, nuisent à même en termes de croissance économique, c'est une mauvaise idée, les politiques d'austérité. De plus en plus d'instances internationales le disent. Donc, ça, il y a quand même les solutions fiscales qui sont mises de l'avant par le collectif Main Rouge. J'oublie le nom au complet, tellement long. Oui, mais bon, j'avoue. Tout le monde se rappelle, tout le monde voit de quel collectif on parle. À tant qu'on est membre de ce collectif-là. Donc, ça peut être un bon moyen, en fait, de fédérer les gens en proposant des alternatives à l'austérité néolibérale qui nous est présentée. Oui, c'est ça, 10 milliards de solutions. C'est une campagne, je pense, très intéressante, vraiment très stimulante, c'est ça, qui propose comment on peut aller percevoir plus d'argent plutôt que simplement couper, hein, plutôt, ou alors couper dans les dépenses les plus inutiles qui ne servent pas à l'économie, qui servent juste à enrichir quelques-uns finalement. Oui, la fiscalité est vraiment très intéressante. Et comme tu dis, Claude, pour ce qui est des réseaux sociaux, ouais, l'exemple d'Obama est intéressant parce que lui, je dirais qu'il était comme un personnage qui est arrivé au bon moment, dans une période de marasme où les États-Unis comme étaient tannés d'avoir toujours les mêmes idées, toujours les mêmes idées de droite. Alors quand quelqu'un arrivait et proposait un espoir, je crois que c'est ça qui a saisi les réseaux sociaux, juste une espèce de possibilité de quelque chose d'alternatif. On le voit un peu aussi en Espagne avec Podemos, ouais. Puis en Grèce avec Syriza. Ce qu'ils offrent, c'est de l'espoir. C'est ce qu'ils vendent, c'est de l'espoir et ça fonctionne. C'est vrai. Parce que les gens sont dans un état désespéré où ils... c'est sûr que dans ces pays-là, c'est pire qu'ici. On n'est pas encore rendu à ce stade où nos besoins de base, les besoins de base d'une majorité de la population sont menacés. On sait que quand même, il y a des couches de la société ici qui n'arrivent pas à combler leurs besoins de base, mais ce n'est pas encore, disons, généralisé. Donc, peut-être que le message ne passerait pas aussi facilement ici encore pour cette raison-là. On a un petit peu trop de confort qui entraîne un peu d'indifférence là, encore maintenant. On s'en plaindra pas, par contre, du confort qu'on a encore. Je pense que c'est une piste à suivre que de proposer, de montrer aux gens qu'il y a des alternatives possibles. Il y a de l'espoir et tout ce que ça prend, c'est une mobilisation populaire massive, en fait. Oui. Et d'ailleurs, le slogan d'attaque, c'est un autre monde est possible. Oui. Puis je lisais dernièrement un bouquin qui nous parle de ce sujet qui est rédigé par Naomi Klein qui s'intitule Tout peut changer. Mm-hmm. Il s'agit d'y croire. Oui. Et dans ce sens-là, moi, la proposition que je trouve qui pourrait être rassembleuse au Québec, c'est de parler d'un projet de société. On parle d'environnement d'un côté, on parle de fiscalité, on parle pas d'un tout. Pour moi, un tout, c'est un projet de société qui aurait sa couleur particulière. Et à mon avis, comme on est un peuple distinct en Amérique du Nord, on a l'opportunité d'être unique et justement de promouvoir un modèle qui pourrait nous ressembler davantage que tout autre modèle ailleurs, sans nécessairement rejeter les systèmes comme par exemple tout ce que le capitalisme a fait dans les dernières années. Il y a eu du bon, il n'y a pas juste du mauvais là, dans ça, il n'y a pas juste de l'abus. Ouais. Il y a des bonnes choses, on peut consolider là-dessus, mais lui donner une couleur. Quand je parle de couleur, c'est par exemple l'économie sociale, l'économie coopérative. Ouais. Une autre forme d'économie qui est davantage redistributive que l'économie capitaliste néolibérale qui, on le sait, là, favorise davantage une classe très limitée de la population. Donc, c'est ça vers quoi, moi, je réfléchis, j'observe au Québec et je pense qu'on a un potentiel. Il s'agit comme on a dit, de se donner de l'espoir puis de susciter cet espoir-là, notamment au niveau des jeunes qui vont prendre la relève et qui auront à des défis importants. On parle d'environnement, on parle de la détérioration de notre environnement, de notre capacité économique, de plein de choses. Donc, il faut préparer le terrain, puis c'est en proposant un modèle autour d'une table où on aura le plus grand nombre d'acteurs possible pour le définir, qu'il y a peut-être un petit peu de perspective de changement. Oui, et l'économie sociale et les coopératives, là, parce que c'est comme dans un même tout finalement, c'est quelque chose de très intéressant, surtout que c'est dans l'ADN du Québec. Mm-hmm. On pense au mouvement des jardins qui remonte très loin dans notre histoire et qui est basé de ça, de cette idée-là d'Alphonse Desjardins, finalement, de tirer le monde ordinaire de leur misère et pour leur permettre d'espérer plus, se mettre ensemble et mettre leurs moyens ensemble. tout élaboré. C'est un modèle très intéressant. Moi, le mien, que j'ai beaucoup lu souvent dans des cercles de réflexion d'économistes aux États-Unis ou ailleurs, c'est l'emploi. C'est vraiment de miser sur l'emploi parce que lorsque la personne ordinaire dit que l'économie va mal ou craint pour son avenir, il pense généralement aux emplois, aux pertes d'emplois. Mm-hmm. Je pense que tout le monde connaît de près ou de loin un chômeur et c'est une expérience très difficile pour quelqu'un. Alors, je crois que un modèle qui voudrait vraiment prendre au Québec devrait être très clair sur sa capacité à fournir des emplois à tous. Et certains pays, comme l'Argentine, ou de ce que j'ai lu aussi, l'Inde, mais je ne sais pas si ça a été mis en place en Inde, finalement, c'est l'emploi garanti. C'est une idée qu'un gouvernement offre un emploi à tout le monde. Dès qu'un chômeur veut se présenter à un bureau du gouvernement dédié à ça, il demande un emploi en disant « je ne travaille pas, j'aimerais travailler ». Et l'État lui trouve un emploi à faire, souvent des tâches déterminées par la communauté elle-même. Mm-hmm. C'est pas centralisé, c'est le quartier lui-même qui décide ce que les chômeurs pourraient faire pour finalement contribuer à la communauté. C'est sûr que l'emploi est très valorisé dans nos sociétés. On le voit par le fait que ceux qui sont sans emploi sont hautement dénigrés par un grand nombre de personnes sur la place publique, même des fois. Faut faire attention, par contre, de s'assurer de quel type d'emploi on met de l'avant. Parce qu'en fait, l'enjeu de l'emploi est souvent utilisé pour faire accepter à des communautés, des industries qui sont souvent très, très néfastes pour un paquet d'autres facteurs de la communauté et qui viennent diviser parce qu'une partie de la communauté va bénéficier des emplois alors que l'autre partie de la communauté va n'avoir que les effets néfastes de cette industrie. Donc, comment faire pour concilier les deux, c'est ça qui est intéressant. Si vraiment le gouvernement s'attaque au chômage, il enlève cette espèce d'argument-là. Je pense que les RIS les appellent les extractivistes, ceux qui veulent retirer le plus de minerais ou le plus d'arbres de notre nature immédiatement et tout de suite. C'est si des emplois sont fournis à tout le monde, les populations en région ou dans des régions isolées ne sont pas prises en otage par les compagnies minières ou forestières à accepter tout et n'importe quoi juste pour avoir une poignée de jobs qui ne seront pas éternels. Alors, c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'un emploi garanti par le gouvernement permet d'offrir une sûreté à tout le monde. Mais avant de poursuivre le débat plus loin, je crois qu'on va faire une autre pause musicale. Je vous propose d'écouter la chanson des colocs. On va crever en attendant l'été. J'ai les couilles à mobilette. Hey, y'a ben moins de monde sur les trottoirs. C'est une bonne journée pour les taxis. Pis mon coloc est en calvaire. Travaille dehors, après-midi. Tombé 24 pouces. Mon chum est pris dans la tempête. Allez, faut qu'on le pousse. Pis mettez-vous quelque chose à la tête. J'sais pas si 10 piastres c'est écrit sur la glace. Rendu au printemps, la dette est effacée. On aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'été. On va crever en attendant l'été. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Oh ben, oh ben, oh ben, oh, mais c'est l'été. Je me souvenais plus de l'été passé. Je me souvenais plus que c'était aussi chaud. J'écoute jamais la météo. Oh, y'a ben plein de monde sur les trottoirs. C'est une bonne journée pour les taxis. Pis mon coloc est en calvaire. Travaille en dedans, après-midi. J'chaufferai le soleil. François a sorti sa moto. Y'a ben son Montréal, mais ça va pareil. Va faire un tour à Mexico. J'ai mon petit pierre, c'est écrit sur la glace. Il est parti avec les anges d'enfer. On n'aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'hiver. On va crever en attendant l'hiver. Hey! j'ai eu des nouvelles de mon chum. Il paraît que son voyage se déroule à merveille. Il me ramène une bouteille de rhum. Oh, j'y ai pensé, tu viens, c'est écrit sur la glace. Il est parti avec les anges d'enfer. On n'aura plus d'argent, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va crever en attendant l'hiver. On va crever en attendant l'hiver. Hey! Venez d'entendre les Colocs, leur chanson « On va crever en attendant l'été ». Mais avant de crever, je pense qu'on devrait discuter de ce que tu me parlais pendant la pause musicale. L'idée de Green New Deal. Ouais, ben en fait, le Green New Deal, ça s'inspire du New Deal là, qui avait été proposé pour sortir de la crise aux États-Unis, c'est-à-dire des investissements publics massifs pour faire travailler les gens. Mais dans ce cas-là, green, vert, c'est-à-dire donc faire travailler les gens, mais pas pour creuser des trous puis les remplir, faire travailler des gens pour opérer une transition vers une société plus écologiste. Donc, ça veut dire des emplois notamment en efficacité énergétique, ça veut dire des emplois dans le transport aussi collectif et actif. Donc, c'est des investissements publics. Ça peut aussi s'opérer par l'économie sociale et coopérative, comme on disait, s'il y a de l'investissement public qui est réorienté plutôt que de le donner à des industries plus extractivistes, le réorienter vers des filières qui sont plus à l'écoute des besoins des communautés. Donc, je pense que ça pourrait être un aspect intéressant qu'on devrait mettre de l'avant davantage. Oui, c'est intéressant. Moi, je sais que l'IRIS a souvent parlé de... Il mentionne souvent Keynes, cette idée-là de d'avoir un gouvernement qui investit dans l'économie en difficulté par des grands projets qui engagent beaucoup de monde. Et eux, souvent, ils mentionnaient le besoin de renouveler le transport ici au Québec, d'électrifier le transport surtout, d'avoir un transport plus écologique. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, sur l'idée de Green New Deal. Bien, ça va exactement dans le sens que je parlais tantôt, quand je parlais d'économie sociale, coopérative, et je dirais protectrice. Protectrice de l'humain, protectrice de son environnement. Oui. Donc, quand on protège l'humain, on lui donne de quoi manger, il faut qu'il travaille, on lui donne un espoir, on lui donne un projet. Protectrice de son environnement, c'est tous les jours, pas être obligé de mettre un masque, comme dans certains endroits de la planète, pour aller se promener ou aller travailler. Oui. Alors, il faut stopper cette expansion capitaliste qu'on a connue dans les dernières décennies. Il faut trouver, il y a des alternatives. Il s'agit d'avoir une volonté de susciter de l'espoir puis de faire participer le plus grand nombre, les sensibiliser, les informer. Et quand je parle d'information, une émission comme Le Grain de Sable est importante parce qu'elle va à l'information de second niveau. Ce n'est pas une information de surface qui... On prend le temps d'expliquer les choses, on prend le temps d'aller un petit peu plus creux. Pour dire aux gens, écoutez, on s'en va dans le précipice, là. Avant de tomber dedans, il y a peut-être des alternatives. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là que je trouve que l'émission a toute sa valeur. Et il y a un mouvement comme Attaque Québec qui se veut informatif et sensibilisateur est très important. Oui, c'est crucial parce que la défaite arrive vraiment que lorsque les gens croient qu'il n'y en a pas d'alternative. Lorsqu'ils croient... Ben, finalement, ça porte un nom, ça, c'est le désespoir. Hein? Oui. Lorsqu'on croit qu'il n'y a pas d'alternative au marasme qui arrive actuellement, on est désespéré et on n'agit pas. C'est une stratégie qui est en place depuis très longtemps. Et Margaret Thatcher, quand elle disait « Tina, there is no alternative », c'est exactement ça qu'elle voulait dire. Il y en a toujours eu des alternatives, mais... à force de se faire marteler par les médias qu'il n'y a qu'une seule voie possible et c'est celle du néolibéralisme et de la privatisation à tout craint, beaucoup de gens sont venus à intégrer ça et ça devient difficile. Donc, le rôle d'Attaque et d'autres organisations comme Alternative, nos alliés et autres me semble fondamental là, pour faire de l'éducation populaire, en fait. Oui, je vais continuer là-dessus parce qu'on peut justement parler d'Attaque Québec et du rôle que l'organisme pourrait prendre au Québec pour aider à unir un peu les forces pour amener un projet positif et intéressant pour les Québécois. Je crois que ce serait bien, c'est ça que ce groupe-là, Attaque Québec, utilise son expertise en fiscalité, dans les paradis fiscaux et d'autres sujets du genre, pour réussir à montrer les alternatives, à toujours être là pour contester un discours qui accepte trop immédiatement qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il y a l'endettement, il n'y a rien à faire, alors que c'est totalement faux. J'ajouterais, Étienne, tu permets, tu dis contester, mais aussi proposer. Oui, on ne doit pas demeurer dans une contestation permanente parce qu'on le sait trop bien, les gens n'aiment pas la critique qui est permanente. Les gens vont aimer une critique réfléchie, spontanée, puis après ça, on passe à... Et c'est là qu'on a de la difficulté au Québec de proposer un projet, de proposer une idée qui rassemblerait les gens. Et vous savez que, puis je ne suis pas vous autres que je vais dire ça, mais le Machiavel qui avait compris le principe de diviser pour régner, je peux vous dire que nos gens qui sont au pouvoir l'utilisent abondamment. Ouais. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est arrêter ce mouvement de diviser pour faire un mouvement de regroupement, de créer un regroupement des forces vives du Québec. Puis il y en a des forces vives, il y a des beaux mouvements. Dominique en a parlé, t'en as parlé. Puis il faut continuer à faire en sorte qu'on puisse se créer. Et ATTAC a une belle situation parce que ATTAC, avec son volet action citoyenne, est multisectoriel. Donc, je pense qu'on a l'organisation pour faire en sorte qu'on crée, susciter ce regroupement-là. Et c'est à nous d'être peut-être le catalyseur de cette énergie-là. Oui. Je pourrais ajouter peut-être qu'ATTAC fonctionne uniquement par l'apport bénévole de ses membres, en fait. Donc, tout ce qui se fait à ATTAC, et il s'en fait vraiment beaucoup, je trouve, pour une organisation qui n'a pas de permanence salariée, là, on arrive à produire quand même beaucoup de documentation, à faire des sorties médiatiques assez fréquentes. On offre des formations que vous pouvez faire venir dans vos différentes organisations. Si vous êtes membre d'un syndicat, par exemple, vous pouvez nous inviter. On offre des formations sur ces différents sujets-là. Et si vous voulez vous impliquer, vous êtes les bienvenus parce que on ne fonctionne qu'avec les forces vives. Donc, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Oui, ce qui est intéressant, d'ailleurs, on en parlera en seconde partie d'émission avec le président d'ATTAC sur sa participation dans différentes organisations, différents événements écologistes et économiques des prochains mois. Je pense que ça va être très intéressant. Ça va nous permettre d'avoir une idée de toutes les activités que ATTAC fait finalement avec l'aide de ses bénévoles. Mais d'abord, on va faire une pause publicitaire. On viendra après quelques minutes. 89.1. Oui, mais non, pas avec Jean-Pierre, qu'en veut qu'à mon derrière. Oui, mais non, pas avec son pote, qu'en veut qu'à ma culotte. C'est KRL. Je veux danser la polka, je veux danser dans tes bras, je veux danser tout de suite, je veux danser toute cuite. Mais si t'aimes pas ma gueule, bah je la danserai toute seule. J'irai danser la vodka, je la danserai dans mes draps. Lundi 1er juin, CKRL lance l'été 2015. Lance sa programmation d'été 2015. De 15h30 à 17h30, découvrez les nouveautés de la saison estivale lors de l'émission de lancement animée par Tania Beaumont en direct du Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Tout de suite après, venez nous rejoindre pour rencontrer l'équipe de CKRL et profiter de la prestation de Jérôme Casabon en 5 à 7. Le lancement de la programmation d'été de CKRL, c'est un peu le lancement de l'été. Le dimanche 31 mai, c'est la marche pour l'Alzheimer. Alors le dimanche 31 mai, venez marcher le dimanche 31 mai afin d'aider les sociétés Alzheimer du Québec à soutenir les personnes atteintes et leurs proches le dimanche 31 mai. Joignez-vous à la marche le dimanche 31 mai afin d'amasser des dons pour vaincre la maladie d'Alzheimer le dimanche 31 mai. Inscrivez-vous avant le dimanche 31 mai sur marchepourlalzheimer.ca. La marche pour l'Alzheimer, c'est le dimanche 31 mai. N'oubliez pas. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, les matchs mensuels sont présentés au Cercle. Prochain match, le 1er juin. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. Faites affaire avec l'équipe de Cheminée Écono. Pour un ramonage professionnel, imperméabilisation, inspection de cheminée, nettoyage de gouttières, installation de pare-feuilles, l'équipe de Cheminée Écono est à l'écoute des gens soucieux de l'environnement et réalise un travail durable et propre. Fort d'une expérience de plus de 20 ans, Cheminée Écono fait un travail rapide, de qualité et toujours garanti. Misez sur la sécurité et le confort de votre foyer. Appelez Cheminée Écono dès maintenant pour obtenir une estimation gratuite. 581-742-7397 ou au 418-877-7397. Informez-vous sur econocheminée.com. En appelant, mentionnez CKRL et obtenez 10 % de rabais. Yes! Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. chichiocafé.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Prends ma main, puis accroche-moi bien, ils vont t'écorner les meufs. Les girouettes, la boutonne, mais on se garoche et la poudre aux yeux. Il y a des paroles en l'air, mais du silence qui se perd. Trop de bruit pour si peu souvent que tu vas. La fumée dans l'écran, du flafla, du clinquant, tant de fake et de faux semblants que tu vas. Y a tout ce qu'on nous fait croire et nos propres accrocs. Quand tu sais plus qui c'est qui ment, que tu vas. Heureusement les enfants vont sortir. Les types secs au printemps, pédalant insouciant, nous faisant nous oublier un instant. Y a le vide à combler. Trancher à creuser, la coupelle dans les sentiments que tu vas. Les plaisirs qui se fâchent, l'adrénaline en calme, ils laissent croire que t'es bien vivant que tu vas. Et les moments qu'on passe, accroupis dans la vase, à patauger dans. Heureusement les enfants vont sortir. Les types secs au printemps, pédalant insouciant, nous faisant nous oublier un instant. Ils vont t'écorner les bœufs. Les girouettes à boudonne tout bête vont se garrocher de la poudre aux yeux. Y'a des paroles en l'air, ben du silence qui se perd. Trop de bruit pour si peu souvent que du vent. Bon, ben, vous êtes de retour au Grain de Sable. Je pense qu'on va continuer la conversation qu'on avait sur le rôle d'Attaque Québec. C'est ça, on a d'abord dit plusieurs choses intéressantes. On a fixé le débat autour du besoin d'un projet positif. D'un projet positif qui serait capable vraiment de rassembler les gens, de rassembler le Québec, que ce soit les régions, les villes, idéalement le plus de couches sociales possible. Moi, je crois que ce serait en réinventant un peu ce qu'on appelle le modèle québécois. Hein, le modèle québécois, pas en le détricotant, en le détruisant, évidemment, mais juste en essayant de réfléchir comment on peut l'adapter pour qu'il soit capable d'aider les gens. Que tout le monde vraiment comprenne que l'État ou que la société large l'aide au quotidien. Il faut que ce soit très clair, il faut que ce soit très concret. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus sur comment essayer de on va dire, rétablir le lien entre le citoyen ordinaire et l'État? Ben, c'est drôle, on en parlait un petit peu pendant la pause. Dans le fond, il y a énormément de désinformation qui s'opère, notamment ici à Québec, là, par les différents médias. Mmh. C'est quelque chose de dramatique parce qu'on en est venu à penser que, en fait, par exemple, le syndicalisme, c'était quelque chose de nuisible, alors que dans les faits, les syndicats nous ont apporté la semaine de 5 jours, les syndicats nous ont apporté la journée de 8 heures, la semaine de 40 heures, l'abolition du travail des enfants, l'équité salariale entre les hommes et les femmes, c'est des revendications syndicales, tout ça là qui ont mis ça de l'avant, c'est pas les patrons qui ont un jour décidé d'être gentils puis de donner ça. Donc je peux pas dire que les patrons sont des méchants là, c'est pas ça la question, mais l'idée c'est que les avancées sociales sont venues de lutte. Oui. Et ça, aujourd'hui, c'est comme si c'était plus bien compris par la population. Et il y a des stations de radio, pour ne pas les nommer, mais aussi d'autres types de médias qui désinforment la population au sujet de ces, en fait, de l'histoire, en fait, des mouvements sociaux puis des gains qui ont été acquis par les mouvements sociaux. Ça, c'est la question des acquis, hein? Mm. Le mot le suggère. Quand quelque chose est acquis, c'est que quelqu'un s'est démené pour l'obtenir. Hein? Et faut aussi se démener pour le garder. Oui. Faut peut-être se rendre compte que c'est pas si acquis que ça non plus, ouais. Que tout acquis peut être remis en question. Ouais. Tout ça est assez fragile et récent, finalement. Mm. Moi le point que j'aimerais peut-être toucher aussi, c'est qu'il y a une difficulté à ce moment-ci. Claude Vaillancourt, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, d'accord. Désolé pour le temps. En tout cas, on peut tout de suite passer à la conversation qu'on voulait avoir sur les projets d'Attaque Québec. Quelle participation Attaque Québec allait avoir ces prochains mois? Je pensais qu'on pourrait d'abord parler de votre activité du 13 juin prochain, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, au Festival des Alternatives, organisé par Alternative, justement. Alors, c'est une journée qui va porter sur l'austérité, évidemment, combattre l'austérité ici et ailleurs. Donc, il va y avoir toutes sortes de... Il va y avoir 3 panels, en fait, qui vont être organisés. Et moi, j'ai participé avec un panel qui s'intitule « Du printemps à l'automne 2015, perspectives et enjeux ». Donc, on va discuter un petit peu de la bataille sur l'austérité qu'il y a actuellement, ce qui s'est passé ce printemps-ci, puis ce qu'on prévoit de faire à l'automne. Je pense qu'il risque d'avoir une mobilisation assez grande autour du mouvement syndical, mais aussi dans les autres mouvements aussi, on espère, en tout cas. Oui, en gros, c'est la réflexion pour quelle allure aura l'automne chaud qu'on nous promet souvent. Oui, exactement. Mais là-dedans, dans les participants, il va y avoir Patrick Rondeau, qui est du conseiller régional de la FTQ, mais il va y avoir aussi des gens de Profs contre la hausse, de l'AC et de la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. On cherchait le nom tout à l'heure, mais vous voyez, oui. J'ai eu du premier coup. Puis on l'appelle aussi la coalition Main Rouge. Oui. Donc, ça veut dire que c'est à la fois les étudiants, à la fois la coalition qui regroupe en fait à la fois du monde syndical et du milieu communautaire. Donc, les syndicats seront là, puis aussi cette frange particulière que sont les professeurs. Donc, oui. C'est tout ce monde-là qui va se réunir, qui va parler, qui va réfléchir à ce qui nous attend l'automne prochain, puis aussi à faire un bilan de ce qui vient de se passer. Oui, et en fait, c'est quasiment une poursuite du débat qu'on a brièvement eu plus tôt dans l'émission sur comment intégrer toutes les luttes, intégrer tous les groupes qui s'opposent à l'austérité. Forcément, vous allez discuter des projets positifs qui ont le potentiel d'unir les gens. Oui, c'est clair, parce que cette bataille-là est une bataille... Si on ne réussit pas à fédérer tout le monde, finalement, au Québec, c'est sûr qu'on risque de la perdre, parce qu'on a un gouvernement qui est très, très idéologue, et c'est très difficile de discuter avec des gens comme ça. Donc, ça prend vraiment des démonstrations de force. À mon avis, il y en a eu des assez convaincantes ce printemps, mais c'est clair que c'est pas encore assez. Il faut revenir encore plus fort, même à l'automne. Et c'est clair qu'avec les négociations dans le secteur public, ben, ça va avoir un impact très, très puissant. On sait que les syndicats sont quand même assez organisés, mais si c'est seulement un mouvement syndical non plus, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit beaucoup plus large. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à s'unir, à travailler ensemble. Et j'ai l'impression que cette unité de tout le mouvement social québécois, si on réussit à l'obtenir, eh bien, ça peut nous mener très loin. Par contre, si on ne réussit pas à l'obtenir, bien, ça peut nous fragiliser, puis ça peut faire qu'on soit pris justement avec ces mesures d'austérité qui sont tellement destructrices. C'est ça, faut profiter du momentum qu'on a eu des derniers mois. Faut pas lâcher, finalement. Tout à fait. Et le hausser, c'est-à-dire s'arranger pour que ça soit encore plus fort, plus puissant l'automne. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont dit qu'on s'est comme retenu pour se garder des énergies à l'automne. En tout cas, le mouvement, ça a été beaucoup discuté dans le mouvement étudiant. Oui. Alors, c'est sûr qu'à l'automne, ce sera plus le moment de se retenir. Il va falloir déclencher là, toutes les forces. Oui, bien, on l'espère. Claude, avec tous les liens que tu as avec les différents groupes, est-ce que tu vois qu'il y a une volonté, en fait, une volonté et une possibilité de s'unir sur des enjeux communs? Parce que, en fait, ça semble, ce qui semble difficile, c'est le fait qu'il y a tellement de choses qui sont menacées actuellement que tout le monde est un peu pris dans ses propres luttes. Est-ce qu'il y a une fenêtre que tu vois pour fédérer tout ce monde-là? Oui, ben à mon avis, le grand enjeu, ça va être si le milieu syndical qui va négocier dans le secteur public, c'est capable de faire le lien entre l'austérité et ses revendications, c'est-à-dire que ça paraît pas des revendications qui sont corporatives, ben à ce moment-là, je pense qu'on peut aller très loin. Et il va falloir aussi laisser la place à des mouvements qui ont peut-être d'autres visions, d'autres approches. Alors, s'il y a une coalition de tout ce monde-là, c'est ça qui va être crucial, j'ai l'impression, à l'automne. Mm-hmm. Oui, j'imagine que ce qui va être inspirant pour tous les groupes, c'est les exemples européens. De ce que j'ai vu, il y aura des représentants de Podemos et de Syriza de présents au festival. Oui, dans cette journée-là, ça va être très intéressant parce que finalement, il y a trois partis de gauche européens qui seront représentés. Mm-hmm. Syriza qui vient de prendre le pouvoir en Grèce. Podemos qui a remporté des victoires vraiment impressionnantes aux élections municipales espagnoles. Oui. La mairesse de Barcelone, qui est quand même la deuxième ville d'Espagne, la première ville de Catalogne, c'est une militante, une vraie de vraie militante. Il va y avoir quelqu'un aussi, le parti Die Linke en Allemagne, donc un parti qui est très campé, clairement à gauche, et il va y avoir Amir Kadir de Québec solidaire, donc il va y avoir un dialogue avec ces partis qui proposent quand même une vision assez radicale des changements à effectuer. Donc ça va être, à mon avis, très très intéressant de les entendre, de faire cette espèce de lien, parce qu'on sait aussi que, bien sûr, la situation entre l'Allemagne, le Québec, la Grèce et l'Espagne, c'est des situations qui sont extrêmement différentes, mais quand même, l'austérité frappe partout, donc ça risque d'être un dialogue très, très intéressant. En tout cas, moi, j'ai très hâte d'entendre tout ça. Oui, ça va être très stimulant, surtout que je crois que c'est ça, c'est des contextes différents, mais ce qui est partout, c'est le discours unique, hein? C'est le discours de l'austérité. Oui, en effet, oui, puis cette austérité qui frappe partout les plus pauvres, c'est sûr que ce qu'ont vécu les Grecs, par exemple, ce que vivent les Allemands, c'est vraiment très, très différent. Mais si on a une question, c'est surtout une question d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mesures d'austérité qui font très mal pour les populations les plus pauvres en Allemagne, pour les femmes aussi. Donc ça existe, et le problème est réel. Et de toute façon, le changement qui doit être fait, c'est des changements structurels qui sont à l'échelle de l'Europe et plus largement, tout simplement, à l'échelle du monde, parce que il faut repenser l'économie autrement. Mmh. C'est ce que ces partis politiques se permettent de faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, poursuivre cette expérience. C'est sûr qu'aussi, entre Québec solidaire et qui est quand même, faut le dire, assez loin du pouvoir, et Syriza, qui a pris le pouvoir, ben, il y a toute une distance aussi, mais il y a toutes sortes de leçons à retenir aussi de ça. Quels sont les points sur lesquels s'entendent ces différents mouvements de gauche là? Est-ce que la dette est une question, la dette publique est une question centrale chez tous ces partis de gauche? Je pense que c'est fondamental pour Syriza. D'ailleurs, ils sont en train d'entreprendre un audit de la dette. Qu'est-ce que c'est qu'un audit de la dette? Ben, c'est comme une vérification. On regarde à qui on doit, combien on doit, quelle partie de la dette est illégitime. Ça veut dire une partie de la dette qu'on serait peut-être pas obligé de payer. Alors, c'est sûr que pour Syriza, là, la dette, c'est une question de survie, c'est une question fondamentale. Ça peut complètement changer, toute la façon d'administrer le budget et la façon aussi de financer les services publics. Nous, au Québec, quoi qu'en disent les gens de la droite, la dette, je pense que c'est c'est un problème, mais c'est un problème qui ne prend pas des dimensions équivalentes. Mais je pense que c'est intéressant aussi au Québec de se pencher sur notre dette, parce que dans le fond, toutes les mesures d'austérité se font sur le dos de la dette. C'est-à-dire c'est parce qu'on a une dette élevée qu'on peut pas se permettre de déficit et on fait des plans d'austérité pour pas avoir de déficit. Donc c'est cette espèce de logique-là qui l'emporte tout le temps. Alors donc, la question de la dette reste reste fondamental. C'est sûr qu'un pays comme l'Allemagne est peut-être moins touché, mais quand même, la dette de l'Allemagne est assez élevée aussi proportionnellement au PIB. Donc, c'est, oui, je pense qu'on peut dire que c'est un problème universel. En Espagne, c'est sûr que la dette aussi, c'est aussi un gros problème. Je propose qu'on parle aussi d'un autre problème universel, les accords de libre-échange, parce que vous allez aussi, le lendemain, là, le dimanche 14 juin prochain, vous allez donner aussi une conférence sur les accords de libre-échange et leurs effets sur l'environnement. Oui. En fait, ça va être plus spécifiquement une conférence qui va porter sur les accords de libre-échange et les effets sur l'environnement. Oui. Donc, je vais peut-être parler de ces deux facettes-là. Les accords de libre-échange, actuellement, c'est en train de refaçonner l'économie mondiale, c'est-à-dire qu'on relance les accords de libre-échange. Il y en a un entre le Canada et l'Europe, un accord transpacifique entre 12 pays de la zone du Pacifique, il y a un accord aussi entre les États-Unis et l'Europe qui reste gigantesque. Donc, tout ça, ça a une portée, tout ça, c'est profondément antidémocratique et tout ça, ça encourage toutes les libérations, les libéralisations, pardon, qui ont permis tous les problèmes économiques qu'on vit. Pourquoi on a eu la crise en 2007-2008? Parce qu'on a complètement libéralisé le secteur bancaire. Donc ça, c'est un problème numéro un. Mais problème numéro deux aussi, c'est que l'accord de libre-échange, ça permet pas du tout de protéger l'environnement. Au contraire, ça permet à des compagnies de poursuivre les gouvernements qui passent des mesures environnementales. Mm-hmm. Donc, dans ma conférence, c'est plus de cet aspect dont je vais parler. Et aussi, il faut dire qu'entre l'accord avec le Canada et l'Union européenne, on a carrément permis aux Européens d'avoir accès à nos marchés publics. Et en échange, qu'est-ce que les Européens nous ont accordé? Mais c'est de pouvoir exporter notre pétrole sale et archipolluant des sables bitumineux. Donc, ça, c'est un autre sujet dont je vais aborder, qui est quand même un problème extrêmement grave lorsqu'on sait l'important de réagir fortement contre les changements climatiques. Même on sait que dans le chapitre sur l'environnement du partenariat transpacifique qui a fuité, on sait qu'il n'est pas final, mais quand même, on parle de commercialiser davantage les services écosystémiques. Donc, c'est beaucoup plus une capitalisation de l'environnement, une privatisation de secteurs environnementaux qu'une réelle protection de l'environnement qui est envisagée par cet accord-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est très juste. Et on voit que cet accord de libre-échange permet justement ce fameux capitalisme vert, c'est-à-dire comment s'arranger pour intégrer la protection de l'environnement dans une économie de marché. Mais finalement, ça fait pas du tout une protection de l'environnement. Au contraire, ça permet une autre façon d'exploiter l'environnement. On avait d'ailleurs bien abordé cette question-là dans une journée d'études qui avait eu lieu en mars dernier, où Dominique, d'ailleurs, avait fait une excellente conférence. Donc, c'est clair que c'est pas par une logique capitaliste, une logique de marché qu'on va régler des problèmes environnementaux. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut vraiment s'arranger pour que les accords de libre-échange, comment je pourrais dire, pour les stopper, tout simplement, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'améliorer la protection de l'environnement dans une logique de libre-échange. Alors, faut vraiment reprendre la chose là, à partir de zéro pour proposer quelque chose de complètement différent. Oui, il faudrait qu'on parle plutôt du libre-échange des meilleures pratiques. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait le cas pour exactement. Oui. Pour passer au sujet des meilleures pratiques, je pense qu'on pourrait mentionner les ateliers aussi qui sont donnés par Attaque Québec. Je regardais la liste. Tout est disponible d'ailleurs sur le site web d'Attaque Québec, c'est-à-dire québec.attaque.org. Attaque organise et offre des ateliers sur tous les sujets qu'on a mentionnés aujourd'hui, en fait, dont l'environnement et la mondialisation, dont l'économie verte. Je ne sais pas si tu peux nous parler, Claude, de comment on peut participer à ces ateliers-là, comment on peut demander un atelier. Oui, tout à fait. Ce que j'aimerais dire d'abord, c'est que pour nous, là, pour Attaque Québec, c'est une de nos activités les plus importantes. Oui. C'est-à-dire donner des formations comme ça à des groupes sur des sujets qu'on considère très bien maîtrisés. Alors, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années, qu'on veut poursuivre et même on voudrait que ça soit encore plus, finalement. Donc, on a une bonne équipe de formateurs qui peuvent aller vous rencontrer. Alors, tous les gens que ça intéresse. Vous avez tout simplement à vous adresser à Attaque Québec sur le site, vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer des messages et puis on va vous répondre bien sûr le plus rapidement possible et on essaie là dans la mesure du possible de répondre à toutes les demandes. Donc vraiment, on est très très ouvert là-dessus et encore une fois, j'insiste sur le fait que pour nous, c'est une de nos activités les plus importantes. Oui, oui, une activité populaire. Là. Je crois que beaucoup de syndicats ou d'organismes ont fait affaire avec ceux qui donnent les ateliers. Oui. Et en sont très satisfaits. Claude, avais-tu... Oui, oui, on peut dire qu'en général, on a des réponses très, très positives devant ces ateliers. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a Claude Guérin ici en studio qui aurait une question. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Alors, comme vous êtes mon Président, j'ai une question pour vous. Je ne vais pas vous prendre par surprise. Oui. En fait, ce qui m'intéresse de ce temps-là, c'est le rapport de la commission d'examen sur la fiscalité québécoise. Oui. J'aimerais savoir si Attaque Québec a été impliqué. Est-ce que vous êtes consulté par le gouvernement? Est-ce que vous avez des stratégies quelconques? Bon, c'est sûr que, comme je disais, on n'est pas considéré par le gouvernement. On ne fait pas du tout partie des groupes qui intéressent le gouvernement. Mais quand même, on a participé à cette commission. On a fait un mémoire dans lequel on a quand même avancé quelques propositions qui sont bien sûr celles d'Attaque. Vous pouvez bien sûr consulter ce mémoire sur le site. Donc, vous aurez vraiment les détails. Mais pour nous, l'essentiel là-dedans, c'est de, une autre utilisation de la fiscalité qui existe présentement. Une fiscalité qui est beaucoup plus progressive, qui est beaucoup plus redistributive. Dans les projets qu'on a, on a même un projet assez ambitieux ou assez original. On était les seuls à proposer ça. C'est de faire une taxe sur les transactions financières à la Bourse de Montréal. C'est quelque chose qui pourrait se faire théoriquement. Donc, on a quand même des propositions originales là-dedans. Maintenant, est-ce que ça se retrouve dans le texte de la finale de la commission? Ben, je pense qu'on peut dire que non. Le texte est assez décevant, finalement. Mais il faut dire qu'il y avait une espèce de contrainte à la base de cette commission-là. La contrainte, c'était il fallait pas aller chercher de nouveaux revenus. C'est toujours ça chez les libéraux. Hein? On veut refaire la fiscalité, mais il n'est absolument pas question de la transformer, de s'arranger pour que la fiscalité puisse nous permettre d'aller chercher des revenus supplémentaires. Alors, quand on impose une condition pareille à une commission, mais c'est sûr que l'exercice risque d'être assez stérile, et c'est un petit peu l'opinion qu'on a de cette commission-là. Ça a été quelque chose qui est extrêmement décevant. Il y a un point sur lequel, dans le rapport, qui touche un peu une préoccupation de Attaque, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de paliers d'imposition. Oui, oui. Je sais que ce que j'ai vu dans le journal, c'est qu'on en propose, on en proposerait de passer de 4 à 9. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça c'est bien. Nous, on parle de ça, mais si ma mémoire est bonne, nous, ce qu'on pense, c'est d'ajouter plus d'impositions par en haut. Donc, vraiment, aller chercher c'est de l'impôt chez des gens qui en gagnent plus. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas regardé ça assez en détail. C'est un exercice, je pense, qu'il faudrait faire, effectivement. Regardez, est-ce que c'est vraiment plus redistributif? D'après les commentaires que j'ai reçus d'experts, ça semble pas être vraiment le cas. Mais c'est bien sûr quelque chose qu'il faudrait pousser parce que c'est dans les revendications de la coalition opposée à la tarification d'ajouter des paliers d'imposition. On en propose 10, mais beaucoup plus par en haut. Voilà. Oh oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Je ne sais pas si, Claude, tu pourrais nous dire quelques mots sur ce que tu prévois pour, disons, l'avenir avec un grand A pour Attaque Québec, la participation que Attaque Québec peut avoir dans les mouvances qui commencent à se développer contre l'austérité. Oui, Attaque Québec, on est un petit peu pris avec le problème qui affecte de plus en plus d'organisations, c'est-à-dire un problème de financement. Mais malgré ça, on essaye de rester actif le plus possible. Pour l'année prochaine, ce qu'on veut continuer à faire, c'est beaucoup notre travail au sein des coalitions, que je trouve qui est assez important. On est membre de trois coalitions dans lesquelles on est très actif. La coalition opposée à la tarification. On est aussi dans Échec aux paradis fiscaux, donc un groupe qui s'occupe vraiment de la question des paradis fiscaux. On était présent là-dedans. Il était présent aussi dans le RQIC, qui s'occupe des accords de libre-échange. Donc ça, on veut rester très présent là-dedans. On veut aussi, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, continuer nos formations. Et on a lancé un projet de travailler beaucoup sur la question de la dette. Donc, voir si est-ce qu'il est pertinent de faire un audit de la dette ou on pense peut-être faire un prochain ouvrage collectif d'Attaque sur la question de la dette, mais évidemment, là, ça reste encore très loin, mais c'est un projet qu'on a en tête. Et voilà, donc on veut vraiment réfléchir sur la question de la dette, mais peut-être aussi, encore une fois, en coalition avec d'autres personnes qu'on voudrait rallier, si vous voulez, autour d'Attaque. Est-ce qu'il y a un intérêt des autres groupes à travailler sur cette question-là? Oui, je dirais la réponse est oui. Entre autres, oui, c'est ça, oui. que oui. Mais là, c'est difficile d'en parler parce que on commence à mettre à pied l'espèce de groupe qui va travailler là-dessus, mais c'est sûr que c'est dans nos projets. Mm-hmm. Oui, c'est très intéressant. Je pense que je vais faire une conclusion en mentionnant l'émission de radio, le grain de sable, ben, qu'on fait présentement, dans le sens que pour qu'elle se continue, elle dure quand même depuis environ 15 ans, pour qu'elle se continue, il faudrait qu'il y ait vraiment une participation du public. C'est que si je peux lancer un message rapide comme ça au public large, quiconque voudrait participer à faire un discours alternatif sur l'économie et la société, on est prêt à on serait très intéressé à avoir la collaboration de tout le monde. Mm-hmm. Oui, ben, ça nous prend des gens autant à la technique qu'à la recherche. Donc, c'est pas nécessairement l'animation, mais on est en recherche d'une équipe. Oui, ben moi, j'aimerais renchérir là-dessus. On est très content d'ATAC d'avoir notre émission de radio à Québec. C'est un outil de communication qui est très important pour nous. Alors, évidemment, si plus il y a de gens, plus on a une équipe dynamique, efficace, alors mieux c'est pour nous. Alors, j'espère que les auditeurs, que ça va pouvoir intéresser. Oui, tous ceux qui sont intéressés pourront aller écrire leur avis en commentaire sur le blog. Le blog, c'est legraindesableqc.wordpress.com. Mais là, l'émission tire à sa fin. Alors, je vais d'abord remercier tous les intervenants. Merci Claude Guérin d'avoir été là. Merci Dominique Bernier. Merci. Et merci beaucoup Claude Vaillancourt d'avoir été là aussi. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse là-dessus sur une musique, une chanson d'Avril Lavigne qui s'appelle Imagine. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky. Nothing to kill or die for. No religion to. KRL.QC.CA ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, oui, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces. Ouais, de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, oh Star Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... Vous écoutez CKRL 89.1 Québec. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en laine super mignon. Ça va être tout?